Le dars d'aujourd'hui. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 12 dans l'explication du livre Usul al-Iman et le sharh de ce livre avec donc le livre Usul al-Iman, les fondements de la foi, c'est le livre de Muhammad, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Avec le commentaire du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Le cours aujourd'hui, c'est le cours 12, et le sujet, c'est At-Targhib fil jam'i bayn al-khawf wa al-raja. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre la khutba et le sujet du dars d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'incitation à réunir entre la crainte et l'espoir. Donc, le sujet de la khutba, c'était la même chose. Juste faire une petite note par rapport à ce qu'on a mentionné au dernier cours. Le frère Abdul Wahhab, je pense qu'il avait mentionné, il avait posé une question à la fin, ou il avait fait un commentaire. Et j'avais écrit une note pour dire de faire une note sur le cours précédent. Est-ce que tu te souviens de ta question? C'était pas lui? Non, c'était pas Islam. Shu'aib. Ah, il est où, lui? Il est parti, hein? Il est allé manger le tchéboudjan. Taïb, frère, Inch'Allah. Hein? À la kulli hal, il est parti manger. On va aller manger après, nous aussi. Mais là, pour l'instant, on mange une autre nourriture. C'est la nourriture de l'âme. Elle est plus importante que la nourriture du corps. Donc, en tout cas, peut-être que si jamais il l'entend, là, il va nous envoyer la question, puis on pourra en parler. Donc, le sujet du cours d'aujourd'hui, il y a un hadith maintenant qui est mentionné, c'est le hadith numéro 17 dans le livre. Il dit, « Walahu an Abi Huraira, radiyallahu anhu marfou'an » C'est-à-dire, « Lahu », ça veut dire « les muslims ». عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد سبحان الله. Donc le hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: si le croyant savait, si ta foi, tu peux l'éteindre, hein? Ok. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le croyant savait ce que Allah avait comme châtiment, hein, ce qu'il y avait auprès d'Allah comme châtiment, personne n'aurait aspiré, hein, ou convoité d'avoir le paradis. Si le croyant savait ce que Allah a auprès de lui comme châtiment, personne n'aurait convoité ou aspiré à obtenir le paradis. Et si le kafir, le mécréant, savait ce qu'il y a comme miséricorde auprès d'Allah, aucun d'entre eux n'aurait perdu l'espoir d'entrer en son paradis. Personne n'aurait perdu l'espoir d'entrer dans son paradis. Subhanallah. Hein? On va lire maintenant l'explication de ce hadith-là qui est intéressant et inshallah bénéfique pour nous. Le cheikh il dit: Inna Allah jalla wa ala wasi'u al-maghfira wa shadidu al-iqab. Falaw 'alima al-mu'min ma 'inda Allah min al-'adhab lama tama'a aw lama tama'a fi rahmatillah ahad. ولو علم الكافر ما عند الله من العفو والمغفرة ما قنط من رحمته أحد فهذا فيه دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعلى شدة غضبه وأن سعة الرحمة لا تحمل المؤمن على الأمن من مكر الله والتساهل في عمل المعاصي والسيئات وأن الخوف من عذاب الله لا يحمل العبد على القنوط من رحمة الله فيترك التوبة والاستغفار ظنا منه أنه لن يغفر له أو أن يدفع هذا الأمر أحدا لتقنيط الآخرين من رحمته سبحانه وتعالى. فمثل هذا أو مثل هذا لا ينبغي لأحد، فمثل هذا لا ينبغي لأحد، لأنه جل وعلا فتح بابه للتائبين، وهو سبحانه بين عذابه وشدة غضبه، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى من أجل أن يرغب العباد في الأعمال الصالحة، وينفرهم من الأعمال السيئة. ولهذا فإن القرآن الكريم مليء بآيات الوعد والوعيد، وغالبا ما يأتي ذكر الجنة بعد ذكر النار، فيذكر سبحانه النار وما اشتملت عليه من العذاب، ثم يذكر الجنة وما فيها من النعيم. فتجد هذا في الآيات المتجاورة، والحكمة في ذلك دفع العبد للخوف والرجاء، فإنه إذا قرأ عن النار عرف ما فيها من العذاب، لعله يتوب إلى الله ويستغفره ولا يقنط من رحمته، وإذا قرأ عن الجنة وما فيها من النعيم لعله يطمع في رحمة الله فيعمل الأعمال الصالحة. فإذا ذكرت النار أو فإذا ذكرت النار أو ذكرت النار تاب من الذنوب، وإذا ذكرت الجنة أكثر من عمل الحسنات. وهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى في كونه يجمع بين الأمرين. Donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal, il est large en pardon et il est dur en châtiment. Et si le croyant savait ce que Allah avait comme châtiment, personne n'aurait espéré en la miséricorde d'Allah. Et si le mécréant savait ce que Allah avait auprès de lui comme miséricorde et comme pardon et comme comme pardon et comme miséricorde, personne n'aurait perdu l'espoir en sa miséricorde. Donc il dit ça, il y a dans ça la preuve de la largesse, de la grandeur de la miséricorde d'Allah et de la sévérité et de la dureté de sa colère. Et que la grandeur de la miséricorde d'Allah ne doit pas pousser le croyant à être en sécurité vis-à-vis de la ruse et du stratagème d'Allah, ni de prendre à la légère les péchés et les désobéissances. Et la crainte du châtiment d'Allah ne doit pas non plus amener le serviteur de l'autre côté à perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et de délaisser la repentance et de délaisser le fait de demander pardon à Allah en pensant qu'il ne sera pas pardonné. Ou bien de faire en sorte qu'il repousse, ou bien plutôt de faire en sorte qu'il pousse les gens à perdre l'espoir en Allah et en sa miséricorde, comme on a mentionné à propos du hadith qu'on a expliqué au dernier cours de la personne qui pousse les gens à perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et en son pardon. Donc il dit, on ne doit jamais être dans cette signification-là. Et personne n'a le droit d'agir de cette façon-là, d'être dans le fait d'être en sécurité vis-à-vis du châtiment d'Allah et de son stratagème, et ou bien le fait de perdre l'espoir en sa miséricorde. Il faut éviter ces extrêmes-là et s'écarter de ces extrêmes et rester dans le juste milieu et dans l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Et le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, sa porte elle est ouverte, la porte d'Allah elle est ouverte pour les repentants, ceux qui veulent se repentir à lui de leurs péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également clarifié que son châtiment et sa colère est sévère et dur, et ça fait partie de la sagesse d'Allah dans le but d'inciter les serviteurs à faire des bonnes œuvres et dans le but de les éloigner et de les faire fuir les péchés et les mauvaises actions. Et c'est pour ça que dans le Coran, il y a plein de versets qui parlent de la menace et qui parlent de la promesse, la menace du châtiment, la promesse de du paradis. Et il dit qu'en grande majorité des cas, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le paradis, il mentionne après l'enfer. Ou quand il mentionne l'enfer, il mentionne par la suite le paradis. Et il dit que quand il mentionne l'enfer, il mentionne ce qu'il y a dedans comme châtiment. Et quand il mentionne le paradis, il mentionne ce qu'il y a dedans comme délice, hein, et comme plaisir. Hein. Donc tu vas trouver que yani, dans parfois en passant, yani, subhanallah, ça me fait rire parce que j'étais en train de réfléchir à ce sujet-là, que dans le paradis, il y a tous les plaisirs que quelqu'un peut désirer. Hein? Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, « وَفِيهِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » C'est-à-dire, il y a dans le paradis, « مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ » Qu'est-ce que les âmes désirent, hein? وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ et qui réjouit l'œil. Et donc, l'autre jour, j'étais au magasin et j'entendais, j'étais juste au marché métro, hein, et puis il y avait une musique qui jouait. Et moi, j'ai une mauvaise habitude depuis très longtemps, c'est que quand j'entends une chanson, j'écoute toutes les paroles et j'analyse toutes les paroles. Alors, c'est quelque chose que j'ai cette habitude-là, yani, subhanallah. J'ai toujours écouté plus les paroles que la musique même. Donc, j'écoute qu'est-ce qu'il dit et je vois qu'il dit du plaisir, c'est tout ce que je veux. Dans cette chanson, il disait du plaisir, c'est tout ce que je veux. Puis il parle du plaisir. Je me dis, si les koufars, ils aimaient réellement le plaisir comme ils prétendent l'aimer, eh bien, il devrait se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéir. Pourquoi? Parce que le plaisir absolu et ultime qu'ils aiment et qu'ils désirent réellement ou qu'ils veulent, personne ne va pouvoir l'avoir excepté s'il craint Allah et qu'il rentre au paradis. Parce que c'est dans le paradis que l'être humain aura tout ce qui a rapport avec le plaisir et tout ce que l'être humain peut aimer comme plaisir. Il aura ces plaisirs-là dans le paradis à des niveaux et à des degrés de perfection et de façon éternelle. D'accord? Donc, si quelqu'un il était réellement amoureux des plaisirs et qu'il aimait réellement le plaisir, il y a tout ça au paradis et plus encore. Le plaisir que tu dis que tu prétends vouloir ou que tu prétends aimer dans cette dunya, il est limité et il est éphémère. Il ne va pas durer. Et souvent, quand tu regardes les êtres humains dans cette vie, quand ils ont un plaisir ou quelque chose qu'ils aiment, souvent, quand ils exagèrent dans ce plaisir-là, ça devient une source de souffrance ou de malheur pour eux. Ça, c'est la réalité. C'est ça qu'on a constaté. Hein? Oui. Dans l'islam, oui, effectivement, dans l'islam, il y a du plaisir permis et licite dans les limites de ce que Allah nous a permis. Et c'est lorsqu'on se limite justement à ce que Allah nous a permis de ces plaisirs-là qu'ils ne deviennent pas justement une source de malheur et de souffrance pour nous. Mais lorsque quelqu'un se permet de dépasser les limites d'Allah et de s'enfoncer dans ces plaisirs-là, de façon illicite, c'est là que ça devient une source de souffrance et de malheur pour eux. Donc ça, c'est juste une réflexion en passant parce que j'ai cette idée-là qui m'était passée dans la tête. Et donc, quand j'entends parler du paradis et des plaisirs qu'il y a dedans et des désirs de tout ce que quelqu'un peut vouloir ou désirer ou convoiter, eh bien ça, c'est l'absolu et l'ultime. Donc ceux qui prétendent parmi les koufars aimer le plaisir, eh bien, vous n'avez qu'à vous soumettre à Allah, à accepter l'islam et à obéir à Allah et à son messager dans cette dunya, de faire les sacrifices de vous, contrôler dans vos désirs, et puis dans l'au-delà, vous aurez des récompenses et du plaisir sans limite. Ensuite, le cheikh, il dit, hein, ce qui signifie, et donc, tu vas trouver que quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il parle dans un verset des châtiments et de qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer comme, hein, comme yani, punition, il y a également la mention dans le paradis par la suite des désirs, des plaisirs et des délices. Donc tout ça, c'est dans des versets qui se suivent et qui sont proches les uns des autres. Et la sagesse d'Allah dans ça, c'est de pousser le serviteur à faire en sorte qu'il soit entre la crainte et l'espoir. Donc quand il va lire les versets qui parlent de l'enfer, il va savoir que dans l'enfer, donc il y a un châtiment, ça va l'amener à se repentir à Allah, à demander pardon à Allah et à ne pas perdre espoir en sa miséricorde. Et quand il va lire les versets qui parlent du paradis et tout ce qu'il y a dedans comme délices, il va espérer en la miséricorde d'Allah et faire les bonnes œuvres. Et quand il va mentionner, ou on va mentionner les versets qui parlent de l'enfer, il va se repentir de ses péchés. Et lorsqu'on lui mentionne le paradis, il va faire beaucoup de bonnes œuvres. Hein? Donc ça, ça fait partie de la sagesse d'Allah. Et dans le fait qu'il faut réunir toujours entre les deux, c'est-à-dire entre la crainte et l'espoir. Le cheikh, il dit ensuite, وَكَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي عَلَى الدُّعَاتِ وَالْوَعَاظِ أَنْ لَا يَتَعَمَّدُوا عَلَى آيَاتِ أَوْ لَا يَعْتَمِدُوا على آيات الوعيد فحسب وأن لا يبالغوا في تخويف الناس وإنما عليهم أن يبادروا إلى فتح باب الرجاء والطمع في رحمة الله وعليه فإن الأصل في ذلك ترغيبهم وترهيبهم فيجمعون بين هذا وهذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعدم اقتصارهم على ذكر آيات العذاب والوعيد أو الاقتصار على ذكر آيات الرحمة والثواب فهذا هو المطلوب من الدعاة والوعاظ والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. بارك الله فيك. Non, parce que la semaine passée, à la fin du dars, tu avais posé une question intéressante. Et moi, je ne m'en souvenais plus. J'ai pris note de ça, mais je n'ai pas écrit la question. Alors, je demandais aux frères, c'était quoi la question? Et on ne se souvenait pas. Pour critiquer ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. OK. Barakallahu fik. Exactement. Et c'est ça. C'est pour ça que j'avais pris note, parce que je trouvais que c'était une question importante. Donc, avant de traduire le passage qu'on vient de lire, je vais juste revenir à cette question que le frère avait posée la dernière fois. Au dernier cours, on avait parlé du hadith de Jundub ibn Abdullah à propos de l'homme qui a dit à l'autre, par Allah, Allah ne te pardonnera jamais, ou Allah ne pardonnera jamais à un tel ou un tel. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui a juré sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel, hein? Je lui ai pardonné ses péchés et j'ai annulé tes œuvres. À la kulli hal, Le sujet ici qui est important de comprendre, c'est que certaines personnes, comme le frère il a mentionné, certaines personnes, ils utilisent ce hadith-là incorrectement, ou ils comprennent ce hadith incorrectement. Le hadith, il ne dit pas, hein, que tu ne dois pas dire à quelqu'un, quand il fait un péché, hein, cesse de faire le péché. Parce que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « j'ai annulé tes œuvres », ce n'est pas parce qu'il a ordonné le bien, ou parce qu'il a interdit le mal. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « j'ai annulé tes œuvres », c'est parce qu'il a dit « par Allah, Allah ne va jamais te pardonner ». Et c'est là qu'il a dépassé la limite, hein, de jurer, hein, que Allah ne va pas pardonner quelqu'un. Parce que ça, c'est, hein, ouvrir la porte au désespoir pour cette personne-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, sa porte, la porte de sa repentance, elle est toujours ouverte. Donc, quelqu'un ne peut pas venir et jurer que Allah ne va pas pardonner un tel ou un tel. Peu importe le péché qu'il a commis. Peu importe le péché qu'il a fait. Donc, si quelqu'un, par exemple, il vient Puis il utilise cette histoire ou ce hadith pour dire aux gens, il faut laisser les gens quand ils font le péché, tu ne lui dis pas, crains Allah ou cesse de faire le péché. Hein? Laisse-le faire qu'est-ce qu'il veut, chacun il fait qu'est-ce qu'il veut. S'il comprend ce hadith-là de cette façon-là, ça veut dire qu'il a mal compris ce hadith. Le hadith ne veut pas dire ça. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous devez ordonner le bien, vous devez interdire le mal, mais de la bonne façon, bien entendu, comme les ulama l'ont expliqué, c'est-à-dire tu dois le faire avec la douceur, tu dois le faire avec science, et tu dois le faire également, avec patience aussi, il faut que tu sois endurant et patient. Lorsque la personne, elle va refuser, ou quand la personne, elle ne va pas vouloir t'écouter, tu ne vas pas t'énerver ou te fâcher contre la personne. Ça devient comme un genre de... Oui, ça devient comme un genre de truc personnel, dans le sens que toi, tu te fâches. Maintenant, ça devient comme... Tu ne te fâches pas pour Allah, tu te fâches pour toi. Parce que c'est comme si la personne, elle t'a refusé à toi. Donc, tu dis, comment elle ose me refuser quand je lui donne le rappel ou des choses comme ça. Donc, toi, tu le fais pour Allah. C'est Allah qui guide les cœurs, ce n'est pas toi. Le pouvoir de guider, le pouvoir d'amener les gens à accepter la vérité, ce n'est pas entre tes mains à toi, c'est entre les mains d'Allah seulement. Donc, toi, tu fais le rappel. C'est comme, par exemple, l'agriculteur, quand il prend la graine, il la met dans la terre, il sème la graine, il recouvre la graine et il l'arrose. Le reste, c'est à Allah. Hein? C'est lui qui va faire pousser cette plante ou ce légume ou ce fruit. Toi, tu fais juste mettre la graine dans la terre. Eh bien, quand tu fais la da'wa, c'est la même chose. Tu fais uniquement transmettre le message. Tu mets la graine dans le cœur de cette personne. Est-ce qu'elle va pousser? Est-ce qu'elle ne va pas pousser? Est-ce qu'il va y avoir... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle puisse pousser? Ça, c'est Allah qui sait. Mais toi, le reste, ça ne te concerne plus. Par la suite. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Celui qui voit quelqu'un qui fait un grand péché, il ne doit pas lui dire « Allah ne va pas te pardonner » parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an » Innahu huwa al-ghafur rahim. Ô mon serviteur qui a transgressé la limite, qui a transgressé contre son âme, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, même le shirk qui est le plus grand de tous les péchés. Si tu te repens, Allah il te pardonne. Donc il n'y a pas de péchés qui sont impardonnables. Et on avait parlé justement du hadith de l'homme qui a tué 100 hommes. Celui qui avait tué 100 hommes, il a tué 99, il est allé voir l'adorateur, il a dit « Est-ce que j'ai un pardon ?» L'adorateur a dit non. Alors il a complété 100 avec lui. Alors il est allé voir un autre homme qui était savant. Et il a dit « Est-ce que j'ai un pardon ?» Il a dit « Oui. » Il dit « J'ai tué 100 hommes. » Il dit « Oui, il y a un pardon pour toi. » Donc c'est la preuve que quelqu'un pourrait dire, même aujourd'hui, si quelqu'un il a tué un seul homme, on va lui dire, ah, toi, ça y est, t'es dans l'enfer pour l'éternité. Il n'y a pas de pardon pour toi. Alors lui, il en a tué 100. Il a répété 100 fois. C'est comme les tueurs à gages. Chaque fois qu'il tue quelqu'un, il fait une coche là, sur son fusil. Est-ce qu'il y a un pardon pour lui? Oui, il y a un pardon pour lui. Et le pardon pour cette personne, c'est de se repentir. Ça, on reviendra là-dessus, Inch'Allah, parce que ça a rapport avec l'intention, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué dans le hadith, il a dit, parce qu'il avait l'intention de tuer son frère. D'accord? Donc, celui qui tue, celui qui a été tué, les deux seront en enfer par rapport à ça. Mais on y reviendra à ce hadith-là. Les ulama, ils expliquent de façon générale que si un hadith contient une menace de l'enfer, ou un verset contient une menace de l'enfer, ou une promesse du paradis, il faut comprendre que cette promesse ou cette menace sont reliées à des conditions. Et que c'est pour ça qu'il faut comprendre que, par exemple, il peut y avoir des causes qui font que, justement, cette personne-là soit pardonnée. D'accord? Comme, par exemple, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Celui qui fait tel péché sera en enfer », ça ne veut pas dire qu'il sera en enfer si jamais il va en enfer, qu'il va y aller pour l'éternité. Comme on sait par rapport à la croyance d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah au sujet des pécheurs, c'est que s'ils commettent un péché, Allah peut leur pardonner, leur faire miséricorde, ou bien les châtier. Et s'ils vont être châtiés au jour de la résurrection pour ce péché-là, eh bien, ils ne vont pas demeurer en enfer pour l'éternité, parce que les seuls qui resteront éternellement en enfer sont les mushrikines et les kuffars. Mais les musulmans qui ont commis des péchés parmi les kaba'ir, ils sont sous la volonté d'Allah. Les munafiqines, eux, c'est différent. Les munafiqines, ce sont des kuffars en réalité, mais qui cachent leur mécréance. Et eux, donc, seront non seulement en enfer pour l'éternité, mais seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sauf qu'il faut distinguer aussi entre le nifaq al-akbar ou al-amali et al-nifaq al-qalbi, hein, ou bien al-nifaq al-asghar. Donc l'hypocrisie mineure, c'est-à-dire lorsque quelqu'un commet des péchés, hein, comme quelqu'un qui ment, quelqu'un qui manque à sa promesse, quelqu'un qui trahit. Hein. Ça, c'est des péchés qui font partie des caractéristiques des hypocrites, mais ça ne veut pas dire que la personne, elle est un nifaq, un munafiq, nifaq, un akbar. À la kulli hal, tout ça, c'est des détails de principes dont on a parlé dans d'autres cours et qu'on va expliquer également dans d'autres contextes. Tout ça pour revenir au sujet ici, le cheikh, il dit, lorsque... Donc, je pense que ça répond à la question, Inch'Allah. Et ça clarifie, wa fika barak. Ensuite, donc, pour revenir au sujet qu'on a lu tout à l'heure, le cheikh, il expliquait que pour les personnes qui font la da'wah et qui donnent des exhortations aux gens, c'est important qu'ils ne se basent pas seulement sur les versets de la menace ou de la promesse. Hein? Par exemple, ils ne vont pas uniquement parler des versets du paradis puis de la récompense seulement. Et ils ne vont pas non plus exagérer dans les versets de la crainte et faire peur aux gens seulement. Il faut qu'ils leur fassent comprendre le fait que la porte d'Allah et de la porte d'Allah pour son pardon et sa miséricorde est ouverte, ce qui va leur donner l'espoir. Hein, et qui vont faire en sorte qu'ils vont aspirer à la miséricorde d'Allah. Et donc, il va essayer d'équilibrer son rappel ou son exhortation entre le fait de leur faire peur et leur donner espoir. Donc, il doit réunir entre les deux et ne pas uniquement se baser sur les versets du châtiment ou les versets de la menace et ou bien seulement se limiter à mentionner les versets de la miséricorde et les versets de la récompense. Donc ils doivent le cheikh dit ça c'est important pour les gens qui font la da'wah ou qui font de l'exhortation ou bien qui font de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Ça c'est très très important. On a donc clarifié ce hadith. Et dans la khutbah, on a parlé de ça aujourd'hui, et on a mentionné beaucoup d'autres exemples aussi, comme l'exemple du fait que parfois les chrétiens, ils disent aux gens, Dieu est amour, Dieu est amour. Donc ils ont oublié tous les attributs d'Allah, sauf l'amour seulement. Et ils ont donc incité les gens à tomber dans... la tromperie et le fait de se tromper par rapport à Allah en disant puisque Allah est amour et puisqu'il est miséricorde, eh bien il ne va jamais nous châtier peu importe qu'est-ce qu'on fait. Et je me rappelle que j'ai rencontré parfois des témoins de Jéhovah, subhanallah, regardez qu'est-ce qu'ils disaient. disait, est-ce que si tu as un enfant, est-ce que tu vas prendre sa main puis la mettre sur le rond du poil? Hein? En voulant dire, Dieu ne va pas châtier ses serviteurs. Au point où les témoins de Jéhovah même ont renié la foi en l'enfer. Ils disent, l'enfer n'existe pas. Ça, c'est la croyance des témoins de Jéhovah. Ils disent, il n'y a pas d'enfer. Et ils disent que, si tu meurs, c'est fini. Tu disparais, c'est tout. Tu n'existes plus. Comme si tu n'avais jamais existé. Mais il n'y a pas de châtiment. Ben, c'est leur croyance. C'est ça leur croyance. Et elle est fausse, cette croyance. Et elle est contredite même par leurs livres. Eux, ils prétendent croire en la Bible. Et dans la Bible, c'est clair qu'il y a la mention de l'enfer. Même Jésus, on lui a attribué le fait d'avoir dit qu'ils seront dans le feu avec les pleurs et les grincements de dents, dans le feu éternel. Ils seront dans le feu éternel avec les pleurs et les grincements de dents. Donc tout ça pour dire, c'est mentionné dans leur livre. Sauf qu'eux, ils essaient de l'interpréter. Ils essaient de faire le ta'wil. Et ça, c'est la même chose parmi les croyances des Batiniyya, les Ismaïliyya et autres, qui eux aussi disent, non, il n'y a pas d'enfer, c'est dans la tête. C'est un état d'âme, l'enfer. Et le paradis, c'est un état d'âme, c'est pas réel. Donc, c'est des gens comme ça qui déforment la réalité de la croyance. Donc, en même temps aussi, tu vois à quel point ils font tomber les gens dans le désespoir. Parce qu'ils parlent de l'amour d'Allah, mais en même temps, ils font tomber les gens dans le désespoir d'une autre façon. C'est que leur notion du pardon et de la rédemption, ils pensent que ça doit absolument passer par un sacrifice humain. Et qu'il faut qu'il y ait du sang qui coule pour qu'on soit pardonné. Donc, ils disent c'est Jésus qui a été sacrifié, soi-disant, ou tué pour que son sang purifie l'humanité, soi-disant, de ce péché-là. Et ça, on sait très bien que c'est inutile, ou que ça ne fait pas partie des choses nécessaires pour que Allah nous pardonne. Puisque la repentance est suffisante pour que quelqu'un soit pardonné par Allah. On n'a pas besoin que quelqu'un meure. Et en passant, donc, on sait tous que Dieu ne peut pas mourir de toute façon, ce qui vient établir la preuve contre eux que Jésus n'est pas Dieu, puisqu'ils prétendent qu'il est mort. Donc, s'il était Dieu, il ne pourrait pas mourir. À la kulli hal, on ne veut pas rentrer dans tous ces détails-là. On va maintenant passer à un autre chapitre ou un autre point par rapport à ce chapitre au sujet de la foi en Allah. C'est Bayan ou Mada Kurbil Jannati wa Nari min al-Abd. C'est un sujet qui est relié avec qu'est-ce qu'on était en train de parler, c'est-à-dire l'étendue de la proximité du paradis et de l'enfer par rapport au serviteur. C'est-à-dire que le serviteur, il est aussi près de l'enfer qu'il peut être près du paradis. Et il mentionne à ce sujet-là le hadith numéro 18 dans le livre qui est rapporté par Al-Bukhari. Il dit وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'imam al-Bukhari il rapporte que Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: le paradis est plus près de l'un de vous que la corde de sa sandale. La corde de sa sandale et l'enfer également. Et l'enfer également. Donc ça veut dire, entre l'enfer et le paradis, il y a une ligne qui est très très mince. Il faut faire attention à ça. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit, « هذا الحديث في بيان مدى قرب الجنة » من الإنسان وقرب النار منه كذلك وذلك أنه إذا مات الإنسان وكان صالحا دخل الجنة وإن كان غير صالح دخل النار والموت قريب من الإنسان فربما يكون في لحظة فيؤول أمره إما الجنة وإما النار وإما إلى النار في لحظة واحدة فالجنة قريبة والنار قريبة كذلك. فلا ينبغي للعبد أن يوسع الأمل في هذه الدنيا فيبسط النفس فيها ويبتعد ويستبعد الموت ومجيء يوم القيامة. Ça c'est un exemple que le cheikh il dit que le hadith il vient clarifier et expliquer la proximité du serviteur par rapport au paradis et par rapport à l'enfer. Et il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit que lorsque quelqu'un meurt, s'il était pieux, il entrera au paradis. S'il n'était pas pieux, il va rentrer en enfer. Et la mort, elle est proche de l'être humain. Peut-être que la mort viendra dans un instant. Tu ne sais pas hein, quand est-ce que la mort va venir. Par conséquent, si tu meurs, tu peux soit aller au paradis, soit aller en enfer dans un seul instant. Donc, le paradis et l'enfer sont très, très proches. Alors, il ne faut pas avoir un espoir trop grand de vivre dans cette dunya au point de laisser ton âme hein, s'étendre dans cette dunya. Tu dis, je ne pense pas que je vais mourir bientôt. Hein? Parce que les gens, c'est souvent comme ça qu'ils pensent. C'est très peu probable que je meure bientôt là, hein? Parce que je suis en très bonne santé et parce que tout se passe bien en ce moment et il n'y a pas de raison pour que je meure. Al-Amani, hein? Ouais, ben, c'est we live only once. C'est pas faux. On vit seulement une seule fois. On a seulement une vie. Les gens, ils disent ça. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette parole-là? Quand quelqu'un dit « on vit seulement une seule fois », il y en a qui l'utilisent pour comprendre, justement, puisqu'on vit une seule fois, il faut profiter de cette vie pour faire des bonnes œuvres, se rapprocher d'Allah et essayer de s'écarter des péchés pour pouvoir, justement, profiter du paradis après la mort et être protégé de l'enfer. Mais il y en a d'autres, et ça c'est les kuffars, qui prennent dans le sens contraire cette parole et qui disent, puisqu'on a seulement une vie, eh bien il faut en profiter au maximum, c'est-à-dire faire le plus de péchés possible et suivre le plus possible ses passions et ses désirs et soi-disant accomplir ses rêves. Hein? Il y en a qui ont des, comment ils appellent ça? Des bucket list, hein, bucket list. Ils se font une liste de 50 choses ou 100 choses qu'ils doivent faire avant de mourir. Mais la plupart de ces choses-là, c'est que des bêtises. Nasallahu ala afia. Ah non, mais eux, ils veulent dire dans cette vie-là, dans ce bas monde, c'est-à-dire on vit qu'une fois. Contrairement aux bouddhistes et aux hindous qui croient en la réincarnation. C'est-à-dire que tu meurs, puis après tu es réincarné dans un autre corps, puis tu revis encore une fois, puis tu es réincarné encore une fois à chaque fois, jusqu'à ce que, soi-disant, tu arrives au nirvana. Hein? Mais sauf qu'à chaque fois que tu revis, soi-disant, tu ne te souviens plus du tout de ce que tu as fait dans la vie précédente. Donc ça revient à zéro à chaque fois. Et ça équivaut à vivre une seule fois. Hein? Donc, tout ça, ça ne tient pas debout. Mais l'important ici, c'est de comprendre ça, c'est que, yani, tu vis dans cette dunya, c'est un test, c'est un examen que tu passes. Et à la fin, tu auras ta note. Tu vas savoir si au jour dernier, tu vas passer hein, ton examen ou si tu as échoué ton examen, selon est-ce que tu as obéi ou est-ce que tu as désobéi. Selon ce que tu as suivi la révélation ou que tu as contredit la révélation, et ainsi de suite. Et le cheikh, il explique que, donc, il ne faut pas avoir trop l'espoir long, hein, le trop grand espoir par rapport à la dunya, et que tu te dis, je ne pense pas que je vais mourir bientôt. Tu ne sais même pas, subhanallah, quand est-ce que va venir la mort. Je me rappelle par exemple, rahimahullah, ma mère quand elle est décédée, rahimahullah, le jour même, le jour avant qu'elle meure, on était parti à l'hôpital, hein, pour un traitement. Elle avait fait une opération pour les cataractes, pour enlever les cataractes dans l'œil, c'est-à-dire. On est rentré à la maison et tout d'un coup, elle a commencé à trembler, elle avait froid et tout. Je l'ai ramenée à l'hôpital, au même hôpital où elle venait juste de faire cette opération-là. Et le lendemain, elle est morte. Le lendemain, rapidement comme ça. Hein? Mais moi-même, je n'avais pas imaginé qu'elle n'allait pas vivre jusqu'au... Hein? Je ne pensais pas qu'elle allait mourir le lendemain. Je ne pensais pas ça. Et je ne pouvais pas le savoir. Combien de fois on était allé avec elle à l'hôpital et après un certain temps, elle allait mieux et elle revenait à la maison. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais l'amener à l'hôpital, ils vont s'occuper d'elle, on va la ramener à la maison. Mais c'est Allah qui décide si tu vas revenir à la maison ou si tu ne vas pas revenir à la maison. Hein? Nous, on prend donc les choses pour acquis. On s'imagine que la vie va être éternelle et qu'on est là, ici pour longtemps. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Donc, tout ça pour dire... c'est l'événement de ta vie, tu ne sais pas quand il va arriver, tu ne sais pas. Des fois, on se dit, c'est comme la loterie. Hein. Quand ça va tomber sur toi, ça va être ton tour à toi. Hein? Mais on ne sait pas c'est quand. Hein? Allahu a'lam. Ça me dit pas. Non. Donc c'est ça, l'ange de la mort, quand ton heure est arrivée, même si tu n'étais pas malade, hein, il y a qu'est-ce qu'on appelle la mort subite. Quelqu'un, il peut mourir comme ça, il est assis, là, tout va bien, il parle, il rit, en bonne santé, et puis il meurt. Pas besoin d'avoir une maladie pour mourir. Pas besoin d'être vieux pour mourir. Hein? Tu vois? Tu peux mourir juste comme ça, même sans raison, sans qu'il y ait une explication ou une cause spécifique apparente. Mm-hmm. Non, ça c'est un autre exemple, là, mais c'est autre chose, parce que ça c'est un cas spécifique. En tout cas, le cheikh il dit ensuite wa qissatu ar-rajulayn alladhayn marra 'ala as-sanam alladhi lam yakun ahadun yajuzu hatta yuqarrib lahu qurbanan faqalu li ahadihima qarrib faqala la amliku shay'an uqarribuhu faqalu farubba qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar وقال للآخر كذلك فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله فقتلوه فدخل الجنة. يعني ça c'est un hadith, certains ils mentionnent que c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est une narration qui est attribuée à Salman al-Farisi. À la kulli hal, c'est une histoire qui est mentionnée dans le kitab al-Tawhid aussi. Et la signification de cette parole, elle est vraie. C'est l'histoire des deux hommes. Ils voulaient passer par une ville. Sauf que dans cette ville-là, il y a des gens, ils ne laissent personne passer jusqu'à ce qu'ils aient fait une offrande à leur idole pour pouvoir passer. Donc, en d'autres mots, pour passer dans cette ville-là ou sur ce chemin-là, tu dois faire du shirk. Et si tu refuses, il te tue. Alors, eux, ils sont arrivés et ils ont dit, si tu veux passer, tu dois sacrifier à notre idole. Et Yanni, le premier, il a dit, oui, j'ai rien à sacrifier. C'est-à-dire, j'ai rien à donner comme sacrifice. Il a dit, donne, fais un sacrifice, n'importe quel, même si c'est une mouche que tu sacrifies. Hein? Sacrifie la mouche. Alors, il l'a pris une mouche, il l'a sacrifiée. Ils l'ont laissé passer. il est rentré en enfer. Il est mort mouchrik. Hein? Et l'autre, quand ils lui ont dit sacrifie quelque chose, il a dit moi je ne vais jamais sacrifier rien à quiconque en dehors d'Allah. Alors, ils l'ont tué et il est rentré au paradis. Hein? Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire-là. De un, ce n'est pas la grosseur du sacrifice qui fait que la chose soit shirk ou non. Même si quelqu'un va dire, si j'ai sacrifié une vache, ok, ça c'est grave, mais si c'est un moustique ou une mouche, ce n'est pas grave. Non, même une mouche, c'est grave parce que toute forme d'adoration qui est offerte à autre que Allah, c'est shirk et donc ça fait rentrer quelqu'un dans le shirk, ça l'amène en enfer pour l'éternité. Et aussi, à quel point, comme le hadith le mentionne, le paradis peut être très proche de quelqu'un et comment l'enfer peut être très proche de quelqu'un aussi. Hein? On voit ça clairement dans cet exemple-là. Et le cheikh, il dit, « فقال الشيخ رحمه الله عند هذا الحديث فيه قرب الجنة والنار من الإنسان فأمر الجنة والنار قريب من الإنسان. » Donc il dit, le cheikh, rahimahullah, il a mentionné par rapport à ce hadith-là, et j'imagine qu'il fait allusion au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Kitab al-Tawhid, il a mentionné comme point bénéfique par rapport à ce hadith, la proximité de l'enfer et du paradis de l'homme. Et donc, ça c'est un rappel à ce sujet. Après, il dit, فَيَنْبَغِي عَدَمُ فَتْحِ بَابْ طُولِ الْأَمَلْ مِنْ خِلَالِ اسْتِبْعَادِ الْمَوْتِ وَمَجِئِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Juste pour faire une autre note par rapport à ce hadith du moustique ou de la mouche et du sacrifice de la mouche. Ça peut avoir un lien aussi avec notre vie, par exemple, dans certains pays de kufr, où parfois les kuffars vont nous imposer de renier des aspects de notre religion ou d'affirmer quelque chose qui contredit notre religion pour pouvoir rester chez eux. Et si c'est le cas, c'est très dangereux et c'est très grave. Et il ne faut pas que le musulman donne plus d'importance à vouloir rester chez les koufars dans leur pays et jouer de leur système et de leur privilège ou peu importe, que de préserver et de garder leur foi. Hein? Donc s'ils te disent rejette le tawhid, rejette la foi, ils ne vont pas te dire ça peut-être nécessairement de cette façon-là, aussi directement, mais ils vont te le dire d'une façon ou d'une autre, hein? Peut-être d'une manière plus subtile, que peut-être même tu ne vas même pas réaliser qu'ils sont en train de te le demander. Et si tu succombes à leur pression, tu risques de tomber dans le kufr ou dans le shirk. Donc c'est très dangereux. Si tu prêtes allégeance à la citoyenneté et que tu crois en ce qui est dit dans cette allégeance-là, c'est grave. En principe, le musulman ne doit pas prêter allégeance, excepté à quelque chose qu'il croit. Il y en a tahlif. Il y en a al-bay'a. On ne veut pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, parce que ce n'est pas le sujet du dars, mais c'était juste un exemple qu'on a mentionné pour faire comprendre. Hein? Et c'est comme on dit dans le dicton en arabe. Al-hurru takfihi al-ishara. La personne libre, ça suffit qu'on lui indique quelque chose. Parce que l'esclave, il faut le frapper pour qu'il comprenne. Ala kulli hal, le cheikh dit فَيَنْبَغِي عَدَمُ فَتْحِ بَابْ طُولِ الْأَمَلْ مِنْ خِلَالِ اسْتِبْعَادَ الْمَوْتُ وَمَجِئِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبِالتَّالِ التَّمَادِ فِي الذُّنُوبِ وَالْغَفْلَةِ عَنِ الْآخِرَةِ وَقُدُومِ لَحْظَةِ الْمَوْتِ. والأصل في ذلك هو الاستبعاد دائما لذكر الجنة الاستعداد أي والأصل في ذلك هو الاستعداد دائما لذكر الجنة واستحضار النار وأنهما قريبتان من الإنسان إذ ليس بينه وبينها وبينه وبينهما إلا قبض الروح ثم المآل إلى أحدهما. فتصور الجنة يدفع بالعبد إلى فعل الأعمال الصالحة، وتصور النار يدفعه إلى التوبة والاستغفار من الذنوب، والحذر كل الحذر من أن يفجأ العبد الموت وهو على حالة غير مرضية. فإذا وقع العبد في ذنب فلا ينبغي له الاغترار بصغر سنه وبطول الأمل زاعما أنه سيتوب إلى الله إذا ما طال به العمر، وكأنه ضمن أن ذلك سيكون وهو لا يدري أن هذا من تلاعب الشيطان به. والله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فهؤلاء سيتوب الله عليهم، ودلالة ذلك قوله جل وعلا يتوبون من قريب. أما الذي يفتح لنفسه باب الأمل ويصوف في التوبة بعدما غرر به الشيطان مزينا له أنه ما زال شابا في أول عمره، فيبدأ بتأجيل التوبة إلى أن يصل إلى آخر عمره، فيحسن خاتمته بالتوبة المزعومة. يعني فمن الذي يضمن له أن عمره سيمتد إلى أن يشيخ ويكبر؟ بل من الذي يضمن له أنه سيعيش برهة من الزمن؟ فكم من إنسان فاجأه الموت وهو جالس مع الآخرين في لحظة. وهذا لهذا نقول إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، وقد أخفاها عنا، فقال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Juste, ça me rappelle un exemple par rapport à ce que j'ai mentionné tout à l'heure au sujet du décès de ma mère, rahimahallah. Yani, quand je me rappelle un jour, j'étais allé manger avec ma mère au restaurant quelques jours avant. Et quelques jours après, elle est décédée. Je suis retourné peut-être une semaine après dans ce même restaurant-là. Et j'ai rencontré un frère que je connaissais. Comment il s'appelle? En tout cas, il s'appelle Nizar. Yani, subhanallah. Et je lui ai dit, ma mère est décédée. Il m'a dit, comment ça? Je t'ai vu avec elle l'autre jour. Tu étais en train de manger ici il y a quelques jours seulement. Comme si, tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui était en bonne santé, parfait, hein, qui était normal, qui marche, qui parle, qui... Hein, et puis, le lendemain, tu le vois, tu dis, ah, il est mort, hein. Subhanallah. C'est comme le frère Jabir, rahimahullah. Le frère qui était converti ici, qui s'est converti, qui est parti en Arabie Saoudite pour enseigner l'anglais. Il est allé partir là-bas. Il est resté là-bas plusieurs années pour professeur d'anglais. Subhanallah, il s'est marié, il a eu un enfant, mashallah. Il partait... Pendant le Ramadan, il est parti pour faire la Umrah. Et au chemin de retour, il retournait vers Mecca. Pendant le Ramadan, il retourne à Médine avec sa voiture. Il a frappé un camion. Il est mort. Hein? Il est mort. Rahimahullah. Donc, quand les frères à Montréal ils m'ont dit... Jabir, il est décédé. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? J'ai parlé avec lui sur WhatsApp il y a quelques jours. J'avais encore les messages qu'il venait juste de m'envoyer il y a une semaine en arrière. Quand je lui ai envoyé le message, j'ai dit, assalamu alaikum, mon frère Jabir, j'ai appris que tu es mort. Est-ce que c'est vrai? T'imagines? S'il est mort, il ne peut pas me répondre. Mais c'est le choc. Hein? C'est pour te dire, subhanallah. Donc, des situations comme ça. Et souvent, des fois, juste comme ça, chaque année, quand c'est Ramadan, j'écoute les messages qu'il m'avait envoyés. Je me rappelle encore comment on plaisantait ensemble, comment il me parlait. On parlait de Tarawih, puis des choses comme ça. Aujourd'hui, ton frère, il t'envoie un message, là. Tu ne sais pas si demain, il va être encore vivant ou non. Hein? Oui, ou si toi-même, tu vas être là pour l'écouter. Donc, tout ça, c'est des exemples. Le cheikh, il explique, en fait, qu'il ne faut pas avoir trop des longs espoirs dans cette dunya et d'éloigner la mort de ton esprit pour dire, hein, ça ne va pas venir tout de suite. Ou que le jugement dernier ne va pas venir. Il dit, tu ne sais pas. Il dit, si tu commences à avoir trop d'espoir dans la dunya et de vivre longtemps, tu vas commencer à te laisser aller dans les péchés et dans l'insouciance par rapport à l'au-delà. Et tu oublies que le moment de la mort risque de te surprendre. Il dit qu'à la base, hein, la base, c'est que le croyant, il doit toujours se préparer en se rappelant du paradis, en se rappelant de l'enfer, pour qu'il se rappelle qu'il est proche, que c'est proche de l'être humain. Le paradis est proche, l'enfer est proche. Et il n'y a que le fait que ton âme te soit enlevée qui te sépare de ça. Hein? Donc, essaie toujours, ou bien le fait de se rappeler du paradis, ça fait en sorte que le serviteur, il va se forcer à faire des bonnes œuvres. Et le fait de toujours se rappeler de l'enfer, ça pousse le serviteur à se repentir, à demander pardon pour ses péchés. Et il faut faire très attention parce que tu peux être surpris par la mort à un moment qui n'est pas, dans une situation, tu meurs dans une situation qui n'est pas agréée d'Allah. Et donc, si tu tombes par exemple dans un péché, tu ne dois pas te laisser tromper par le fait que ce péché-là est petit. Ou que parce que tu dis, ah, je suis jeune, hein, j'ai encore le temps de me repentir. Je suis encore jeune. Hein. Et même des fois, il y a des parents, sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux-mêmes qui poussent leurs enfants dans cette voie-là en disant, ah, toi, tu es jeune encore pour être religieux, là. À ton âge, tu laisses la barbe. À ton âge, tu vas tous les jours à la mosquée. À ton âge, tu lis le Coran. À ton âge, tu fais ci et ça. T'es jeune, arrête. Va t'amuser. A'ouzou billah. Ça, c'est pas des parents corrects. Ça, c'est des shayatines. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. Il y a des filles comme ça, comme tu dis, les parents, quand la fille est jeune et commence à porter le hijab, commence à porter le djilbab, oh, mais non, t'es jeune, prof. Montre, il faut que tu montres tes charmes, hein, pour que les gens voient ça, là, t'es jeune, profite. Hein? Dans certains pays, les vieilles, elles se voilent, et les jeunes, les adolescentes, elles se voilent pas. Comme si la fitness était chez les vieilles et non chez les jeunes. Alors que les hommes sont tentés plus par les femmes jeunes que par les femmes vieilles. C'est normal. Hein? Quand quelqu'un va aller chez le fleuriste, il va acheter quelle fleur? Il va acheter la fleur qui est fanée ou la fleur qui vient de sortir des chlores? Non, ils ne vont pas aimer, mais... Mais c'est la réalité, subhanallah. Il y a même des vieilles qui font des chirurgies juste pour avoir l'air jeune. Oui, et ça ne marche pas. Hein? Tôt ou tard, elles se font rattraper. Et il y a des chanteuses. En tout cas, le cheikh, il dit donc, lorsque le serviteur, il rentre il tombe dans un péché, il ne doit pas penser, ah, je suis encore jeune, je vais vivre encore, je vais me repentir plus tard. Je vais me repentir. Quand je vais être plus vieux, là, je vais me repentir. Le cher, il dit, est-ce que tu peux garantir que tu vas vivre jusqu'à ce moment-là? Tu ne sais même pas. Il dit ça, en réalité, c'est le shaitan qui joue avec toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 17, dans Surah An-Nisa, que la repentance, hein, pour Allah, c'est seulement pour ceux qui ont fait un mal ou un péché par insouciance, puis qui se repentent aussitôt, hein, très rapidement. Qarib, min qarib, ça veut dire rapidement, bientôt. Il dit, cela, Allah va accepter leur repentance, parce que Allah est omniscient et sage. Donc, tu dois te repentir. Et si tu te repens avant la mort, ça c'est suffisant. Mais, puisque tu ne sais pas quand la mort va venir, repens-toi le plus tôt possible. C'est ça que ça signifie. Il dit, wa amma, donc, tandis que celui qui s'ouvre la porte à lui-même pour avoir beaucoup d'espoir de la vie, de dire, oh, j'ai le temps, plus tard je vais me repentir, hein? Le shaitan il l'a trompé, hein, en disant, mais tu es jeune encore, tu as le temps, hein? Et il retarde la repentance. Et il dit plus tard, hein, plus tard, plus tard. C'est comme, comment on appelle ça, la procrastination. Il y en a qui sont procrastinateurs de leur repentance. Hein? Ils font de la procrastination et disent, je vais me repentir plus tard, je vais me repentir plus tard, je vais me repentir plus tard. Et le cheikh, il dit, il commence à retarder sa repentance. Il dit, je vais le faire à la fin de ma vie quand je vais devenir vieux. Hein? Et à ce moment-là, je vais avoir une belle mort, une belle fin. Je vais faire plein de bonnes œuvres avant de mourir. Je vais me repentir et tout et tout. Et le cheikh dit, c'est qui est-ce qui est capable de te garantir que tu vas vivre jusqu'à ce que tu deviennes un cheikh ou une personne âgée? Tu ne sais pas. Et il dit, qui est-ce qui te garantit que tu vas vivre longtemps encore? Tu ne sais pas. Il dit, combien de gens ils sont surpris par la mort alors qu'ils sont assis en train de parler avec les gens? Une crise cardiaque, un arrêt cardiaque. Un de mes frères, hein, un de mes petits frères, il est mort, je pense, à 29 ans. Hein, Alex Damius. Il est mort à 29 ou 26 ans, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Il est mort dans son sommeil. Il est allé se coucher. Et le matin, quand ils l'ont trouvé, il était mort. Hein? Et bon, par la suite, ils ont trouvé que peut-être qu'il avait pris un médicament ou quelque chose qui n'était pas bon pour lui. À la kulli hal, yani, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Hein? Et donc, tu vas dire, ah, j'ai le temps, la mort, elle ne va pas venir tout de suite. Hein? Puis là, quand tu commences à avoir des signes de maladie ou des signes de fatigue ou des signes de trucs comme ça, là, tu commences à avoir peur. Mais si tu n'as pas ça, ah, ça y est, tout va bien, la santé est bonne, je continue mes péchés. Hein? Hein? Ouais, non, la mort est loin maintenant, il n'y a plus de... Hein? Il y a plus de... Donc, je peux continuer à retourner dans mon insouciance. Quand il est malade, il prie Allah, il fait des du'as avec beaucoup de, hein, de dévotion, il demande à Allah. Et quand il redevient en bonne santé, il oublie Allah comme si, hein, ce n'est pas important. Il retourne à son insouciance. Ça, ce n'est pas correct. Hein? Ça, ce n'est pas correct. Donc, il dit, le cheikh, il dit, donc la conclusion ou la fin, le terme de notre vie, il est entre les mains d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a caché. Il nous l'a caché. Et il dit, فَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا. Une âme ne sait pas ce qu'elle va acquérir demain, et elle ne sait pas non plus en quelle terre elle va mourir. On ne sait pas. Donc il dit, pour terminer, ففي هذا الحديث الحث على تقوية اليقين بقرب الجنة والنار وفيه الحث على المبادرة والإصرار بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة وفيه أن النار والجنة يبدأان من حين موت الإنسان ووضعه في القبر فيأتيه نصيبه إما من الجنة وإما من النار ويصير قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والقبر هو أول منازل الآخرة فإن نجا العبد منه فما بعده أيسر منه. Donc il dit, le cheikh, pour terminer, il dit, dans ce hadith, il y a une incitation à renforcer la conviction du serviteur en la proximité du paradis et de l'enfer, et inciter le serviteur à se repentir et à faire des bonnes œuvres, et à délaisser, hein, et à se repentir des péchés, et que le paradis et l'enfer, en réalité, ça commence à partir du moment que tu meurs. Hein, c'est comme, par exemple, la foi en le jour dernier et la fin du monde. Les gens, ils disent, hein, ils ont peur de la fin du monde. Ils disent, à la fin des temps, il y aura la fin du monde, il y aura le jour dernier. Et à ce jour-là, ça va être terrible, tout va être détruit, l'univers va être détruit, et ainsi de suite. Mais ils disent, oh, mais ça, c'est loin, on a le temps. Hein? Sauf que peut-être que tu vas mourir avant la fin des temps. Hein? Donc, ce n'est pas parce que tu dis la fin des temps, ça peut être encore loin. Tu dis, j'ai encore le temps. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ta mort vient, alors ça, c'est ton jugement qui est établi. C'est ça ton jugement dernier. ton jour dernier, c'est le jour de ta mort. Et le jour dernier de la dunya, ça, c'est le dernier jour de la fin. Et de toute façon, si tu fais partie des croyants, il n'y aura personne parmi les croyants à ce jour-là, parce que, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la taqumu sa'a illa ala ashrar an-nas. Hein? Le jour dernier ne va être établi que sur les pires des hommes. Et quand le jugement va arriver, il n'y aura même pas quelqu'un qui va dire Allah, le nom d'Allah. Hein? Et, yani, à ce moment-là, il ne restera que les pires parmi les créatures. Donc, il n'y aura plus de croyants, et même que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura un vent doux qui va être, hein, qui va être soufflé, qui va prendre les âmes de tous les croyants à ce moment-là. Il va rester que les mécréants et les gens égarés. Donc, le cheikh, il termine ça pour dire ensuite que quand tu meurs, ça veut dire que ton jour dernier, il commence. Ton paradis et ton enfer commencent au moment de ta mort. Et au moment où on te met dans ta tombe, tu vas avoir déjà ta part, hein, du paradis ou de l'enfer. Parce que celui qui était bon, il aura dans sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Et celui qui était mauvais, il aura dans sa tombe un gouffre parmi les gouffres de l'enfer, et sa tombe est donc le premier lieu, hein, le premier lieu par rapport à l'au-delà qu'il atteint. Et donc, s'il a été épargné dans sa tombe, ce qui va venir ensuite sera plus facile. Hein? Donc, ça, c'est le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et vendredi prochain, bi'idhnillah, on continuera la suite de l'explication des autres hadiths que le cheikh il a mentionné. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.